Merci. Merci aux organisatrices et organisateurs du colloque de me donner l'occasion donc, de présenter mes travaux aujourd'hui. Je vais mettre un petit chrono aussi pour être sûre de ne pas dépasser mon temps. L'objet de ma communication est d'analyser donc, le rôle de l'appartenance religieuse catholique dans la structuration des sociabilités et des styles de vie et dans la construction d'un privilège local dans des quartiers de classe supérieure. Comment s'articule l'appartenance religieuse catholique avec les rapports sociaux de classe dans le cadre des classes supérieures donc aisées ? Il s'agira de montrer comment la religion catholique peut notamment conforter la reproduction sociale et la position dominante de mes enquêtés. Je m'appuierai sur un travail de terrain réalisé entre juin 2015 et mai 2017 dans le cadre de ma thèse, qui porte sur les pratiques résidentielles et les styles de vie des classes supérieures, et qui porte notamment sur le travail de maintien de l'entre-soi. Cette enquête est composée principalement d'entretiens avec des propriétaires de maisons situées dans les quartiers les plus aisés de deux communes de la première couronne de la banlieue parisienne, donc Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine et Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne. J'ai réalisé 30 entretiens dans chaque commune. En tout, il y a 66 personnes qui ont été interrogées. Les entretiens ont duré en moyenne 2 heures et ils se sont déroulés dans la majorité des cas, dans la quasi-totalité des cas d'ailleurs, au domicile des personnes interrogées. Les ménages enquêtés disposent tous d'un important capital économique qui est cristallisé dans des propriétés immobilières de grande valeur et qui inclut dans la plupart des cas des résidences secondaires. Les personnes de référence de ces ménages sont dans une large majorité des hauts cadres du secteur privé, notamment dans le secteur de la finance ou de la banque, des professions libérales ou encore des chefs d'entreprise dont les épouses sont très souvent inactives au foyer. C'est avec elles que se sont réalisés la plupart des entretiens. Ma thèse est donc à cheval entre la sociologie urbaine et la sociologie des classes sociales, plus précisément des élites. La religion n'est pas mon objet principal, je suis loin d'être une spécialiste et je serais d'ailleurs ravie d'entendre vos remarques à ce sujet. Je suis en train d'analyser mes matériaux, de retranscrire mes entretiens et je vais bientôt commencer à rédiger. Si j'ai décidé de faire cette communication aujourd'hui, c'est parce qu'en faisant ce travail d'analyse, je me suis rendu compte que la religion était structurante des sociabilités à l'échelle locale et qu'elle était aussi révélatrice des pratiques d'entre-soi propres à ces fractions de classe. Donc la question de la religion a émergé de mon enquête de terrain. En fait, je l'avais en effet très peu anticipée. Et alors qu'aucune question de mon guide d'entretien ne portait à proprement parler sur l'appartenance religieuse, une grande partie de mes enquêtés m'a spontanément parlé d'appartenance religieuse en me détaillant leurs choix résidentiels, leurs choix scolaires et plus généralement leurs arrangements familiaux. Plus d'une vingtaine de personnes de mon groupe d'enquêtés se déclarent croyants, dont 14 sont pratiquants et investis au sein de la communauté. Par ailleurs, la religion m'est apparue également car les chaînes de recommandations qui assuraient la progression de mon enquête par bouche à oreille sont passées parfois par des réseaux communautaires religieux. Dans une première partie, je montrerai comment l'appartenance religieuse catholique renforce la cohérence et la pérennité des classes supérieures à l'échelle locale. En effet, les valeurs catholiques ont un effet sur la démographie du groupe étudié, et l'engagement à l'échelle locale permet de renforcer le capital social de mes enquêtés. Ensuite, j'analyserai comment l'appartenance religieuse et celle de classe entrent en conflit et mettent les personnes enquêtées face à des contradictions et comment ces dernières les résolvent. Donc, tout d'abord, le rôle de la religion catholique dans la visibilité et la pérennité du groupe. L'appartenance religieuse est un élément déterminant de l'importance accordée à la vie de famille et aux configurations familiales. Les familles rencontrées sont très souvent nombreuses, en moyenne 3 enfants par femme. Evelyne Fourcade, par exemple, qui est née en 60, chargée de mission à la mairie de Paris, mariée à un gastro-entérologue avec 2 enfants, investie dans la paroisse de son quartier, elle-même issue d'une famille chrétienne, me confie par exemple regretter de n'avoir que 2 enfants, sans m'en expliquer les raisons. Moi, j'ai beaucoup de frères et sœurs, donc forcément, je trouvais ça un peu dommage de n'avoir que 2 enfants, et je trouvais sympa qu'il y ait toujours plein de gamins à la maison. Cette importance accordée à la famille est liée au milieu bourgeois, mais elle est renforcée par l'engagement religieux. Elle a un effet sur les choix professionnels des membres du ménage. En effet, 1/3 des femmes interrogées sont femmes au foyer. 10aine d'autres femmes de mon groupe d'enquêtés travaillent à domicile ou sont embauchées à temps partiel dans l'entreprise de leur mari. La plupart des mères, des hommes et des femmes des ménages enquêtés étaient elles-mêmes au foyer. Donc cette importance à la famille est bien un facteur fort de reproduction sociale, notamment pour les femmes, qui restent en charge de la gestion de l'économie domestique. En plus de cette forte représentation des femmes à la maison, les familles enquêtées sont remarquables par leur stabilité conjugale. L'appartenance religieuse peut être vue comme une garantie pour les femmes au foyer, des ménages de classe supérieure, contre le risque de divorce, qui facilite peut-être leur choix d'être monétairement dépendantes de leur mari. Pour beaucoup d'enquêtés catholiques, cette croyance s'accompagne d'un engagement bénévole au sein de la paroisse et des écoles confessionnelles. Donc, mes enquêtés, par exemple, font des cours de catéchisme, de pastoral, s'occupent du denier de l'église, organisent des événements ou encore l'accueil de la paroisse. C'est donc souvent un engagement dans le quartier et pour la communauté qui vient renforcer les liens de sociabilité et l'ancrage local. La pratique religieuse donne des ressources à mes enquêtés et permet notamment de conforter leur capital social pour s'ancrer à l'échelle locale. À l'échelle du quartier, les réseaux de sociabilité de proximité, à la fois de voisinage et ceux autour de l'école, se recoupent avec ceux de la paroisse et renforcent l'entre-soi des réseaux locaux. Je cite là Agnès Jacob, qui est née en 57, ancienne infirmière maintenant au foyer, mariée avec un expert comptable et avec 4 enfants. On connaissait déjà, on était entre guillemets bien impliqués dans le quartier, par l'intermédiaire des enfants, l'école, la paroisse, on connaissait déjà beaucoup de monde. Après, au niveau de la paroisse, on s'est aussi beaucoup impliqués, donc ça c'était pareil, ça nous a permis de connaître. Après, par l'intermédiaire de la paroisse, on recoupait des enfants de l'école. Ce capital social peut permettre à mes enquêtés de bénéficier des ressources. Pour les femmes au foyer pratiquantes, l'engagement au sein de la paroisse se fait de manière plus extensive et elle permet aussi d'avoir des contacts avec le monde extérieur au foyer qui se font assez rares. Salomé Mercier, qui est née en 66, femme au foyer, mariée à un cadre dans la banque avec 3 enfants, me dit par exemple « Je fais un peu de bénévolat aussi, en plus, pour me sortir de chez moi. » Donc elle m'explique qu'elle aide à la pastorale et qu'elle participe au kermesse du lycée privé de son enfant. Marie Bertin, née en 64, professeur des écoles dans le public, Marie, intérieur général avec 3 enfants, me dit « Alors moi, je suis assez bonne en voisinage, donc ouais, assez rapidement, j'ai connu tout le monde. J'ai progressivement travaillé, en fait. Donc au début, je ne travaillais pas. Hippo était tout petit, donc j'ai assez vite connu mon voisinage. En plus, on est catho. Je suis très investie dans la paroisse au départ. Du caté, j'ai connu pas mal de gens. » L'appartenance aux classes supérieures se conjugue à la religion catholique et renforce l'importance de former une communauté qui prend sens à l'échelle locale. Cet engagement religieux et la pratique qui en découle s'inscrit dans un régime de validation communautaire du croire, pour reprendre l'expression de Daniel Hervieux-Léger. Mes enquêtés pratiquants ont le sentiment d'appartenir à une communauté valorisée pour ses bonnes pratiques et fondée sur un certain entre-soi. Delphine Garnier, qui est née en 76, femme au foyer, mariée à un directeur financier avec 6 enfants, me dit « Oui, ben les paroisses sont actives, c'est dynamique. Cette année, par niveau, il y a peut-être 80 enfants inscrits, c'est très dynamique. Ce qui est sympa à Rueil, c'est que les gens sont... Déjà, ils sont polis. Enfin, on croise quelqu'un dans la rue, c'est vrai qu'on se dit facilement bonjour. Et puis oui, il y a plein de gens formidables qui sont très engagés. C'est sympa. » La religion est le ciment d'une communauté fortement valorisée par mes enquêtés en elles-mêmes, qui entérinent leur appartenance aux classes supérieures. Evelyne Fourcade, qui chargée de mission à la mairie de Paris, mariée à un gastro-entérologue avec 2 enfants, illustre cette forte valorisation de la communauté de manière très marquée. Elle me dit « J'ai une relation à la religion qui est très particulière. J'ai été élevée dans la religion catholique, mais mon arrière-grand-père était pasteur. Et je suis pratiquante, mais je ne suis pas tellement croyante. Voilà. Donc ce qui fait hurler le curé à chaque fois que je lui dis. » Elle rigole. Je trouve que c'est important. On a une paroisse qui essaye de faire avancer les gens. Après, comme dans toute petite communauté, il y a des gens qui sont moins agréables. Je prends ce qui me plaît et je laisse ce qui me plaît pas. Mais du coup, ça fait quand même effectivement encore un groupe cohérent, puisque c'est sur la Varenne. Donc la Varenne, c'est le nom de son quartier, et cette fin de citation montre qu'appartenir à la communauté, ou à un groupe cohérent comme elle le nomme, est une manière de s'inscrire dans un espace local, en l'occurrence celui du quartier. L'engagement religieux permet aussi de gagner en respectabilité locale, et c'est notamment le cas de Marie-Laure Guillet. Donc elle est née en 55, elle est célibataire, fervente catholique, pratiquante et issue d'une famille de notables locaux qui sont ancrés à Saint-Maur depuis plusieurs générations. Elle ne s'investit pas bénévolement dans sa paroisse, par manque de temps, puisqu'elle a fondé il y a plus de 20 ans une association de réinsertion qu'elle préside et qui emploie 33 salariés. Cette association lui donne une forte visibilité sur la scène locale, à la fois auprès des élus, mais des habitants également, et elle renforce sa position dominante acquise par sa famille dans le quartier, tout en attestant ses valeurs morales et humaines. Donc elle me dit, à propos de la création de cette association, ça a été très important que ce soit mon frère et moi, que ce soit des guillets qui soyons là. Ça a ancré. Parce que vous savez, surtout dans des coins quand même très bourgeois comme ici, la pauvreté ça fait peur. On ne veut pas la voir. À la limite, on veut bien faire des chèques, mais on ne veut surtout pas la voir. Et le fait que ce soit Pierre et moi, qui étions quand même des bourgeois reconnus de Saint-Maur, par notre filtre quelque part, ça cautionnait et ça rassurait que ce soit la petite mère guillée avec ses diamants qui viennent. Et ça passe bien de faire passer la grande misère comme ça. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, moi j'ai sorti mes bijoux à partir du moment où j'ai milité pour la grande misère. Ça rassure. Donc la pratique religieuse comporte une dimension spatiale, Elle permet de s'ancrer à l'échelle locale et d'acquérir ou de conforter la position de notable disposant d'un important capital social. Maintenant, j'aimerais passer à la seconde partie qui s'intitule « Être catholique et riche, les paradoxes de la foi bourgeoise et leurs accommodements ». Donc l'articulation entre la croyance religieuse et les rapports sociaux de classe entraîne également des conflits moraux pour les personnes croyantes et pratiquantes. En effet, la possession d'un capital économique conséquent n'est pas toujours facilement compatible avec une éthique religieuse condamnant l'ostentation et valorisant l'ascétisme et l'aide aux plus démunis. Cette contradiction entre le fait de profiter d'une position privilégiée et d'être catholique est particulièrement visible au sujet des logements sociaux, notamment à Saint-Maur-des-Fossés. C'est une ville de plus de 80 000 habitants avec seulement 7% de logements sociaux. Saint-Maur est régulièrement pointée du doigt par la Fondation Abbé Pierre comme une des pires élèves de France. Cette question est largement médiatisée et la plupart des habitants n'ignorent pas que la commune, bien que surendettée, paye de lourdes amendes à l'État en raison de son déficit de logements sociaux. Pour certains enquêtés, ce manque est déplorable. Donc, c'est le cas notamment de Benoît et Suzanne Guillet, donc Benoît qui est le grand-oncle de Marie-Laure, qui sont nés respectivement en 35 et en 36. Lui est retraité ingénieur, elle est retraitée femme au foyer avec 4 enfants. Elle me dit « Ce que je regrette un peu, c'est que la politique du logement soit si... Je sais bien qu'ici, localement, tous les gens sont contre les logements sociaux. C'est ça qui est terrible. Ils veulent avoir une femme de ménage, mais ils ne veulent pas de logements sociaux. Et pourtant, il y a des logements sociaux qui sont corrects. C'est pas de la racaille obligatoirement. » Son mari. Quand on parle du pourcentage de logements sociaux dans les communes, on est de ceux qui sont le moins bien placés. Elle dit, et je trouve ça dommage, étant donné qu'on est un secteur quand même agréable. Donc c'est bien le fait que la commune soit agréable qui justifie, et pour elle, d'autant plus qu'on construise des logements sociaux. D'autres admettent que leur attrait pour leur quartier est en partie lié à cette non-mixité, et que cela les place dans une position inconfortable de contradiction avec leur valeur morale. Donc Marie-Laure Guillet me dit « Saint-Maur est une ville qui paye une forte amende pour la loi SRU, parce qu'on n'a pas le quota de logements sociaux. » Alors là-dessus, moi je suis très mal. Je suis très mal parce que je fais partie de ces gens qui s'occupent des gens en situation de grandes difficultés et puis qui sont très contents d'être dans des beaux quartiers. Donc point de vue éthique, je suis mal. Je ne suis pas en accord avec ma morale. Cette contradiction s'incarne avec la question des logements sociaux, mais elle est plus généralement liée à la possession d'argent. Qui vient, donc, comme le souligne Marie-Laure Guillet, qui vient, comme on l'a vu, d'une famille de notables locaux et qui a notamment hérité d'un patrimoine immobilier conséquent sur la ville. C'est le paradoxe, pas toujours forcément facile à vivre, dit-elle, d'avoir quand même une bonne aisance financière et de côtoyer et de s'occuper des gens en très grande situation de pauvreté. L'appartenance et la pratique religieuse offrent néanmoins des ressources pour résoudre les contradictions morales dans lesquelles elles placent les personnes enquêtées. C'est notamment le cas pour l'emploi des personnes à domicile. Tous les ménages enquêtés de mon groupe d'enquêtés emploient à minima une femme de ménage. Pour certains ménages, cet emploi domestique est également l'occasion d'aider des personnes en difficulté et de se présenter comme bienfaiteur faisant acte de charité. Evelyne Fourcade, celle qui est plus pratiquante que croyante, me détaille par exemple les différents jardiniers qui se sont succédés chez elle et qu'elle a engagés par le biais d'une association locale. Elle me dit « J'ai eu d'abord un monsieur qui avait des gros problèmes de santé et d'alcool, je l'ai gardé pendant plusieurs années. » Alors, j'étais pas forcément excessivement contente de ce qu'il faisait. Bon, c'était ma BA, quoi. Cette personnalisation de l'aide dénote une prise en charge individualisée de la pauvreté. Elle ne s'accompagne pas d'un discours plus général sur les inégalités. Béatrix Levita, dans Ni vu ni connu, approche ethnographique de la culture bourgeoise, note à propos de l'éducation des jeunes filles dans des écoles confessionnelles de la bourgeoisie parisienne, et notamment de la nécessité d'ouverture sur le monde, que cette ouverture à l'autre n'est pas une ouverture sur le monde social. On apprend à des enfants privilégiés à être sensibilisés au malheur des autres. Cela demeure un rapport personnel, un individu en prise avec un autre individu. Cette expérience à l'autre, faite d'actes bénévoles et généreux, permet à ces jeunes femmes de ne pas penser l'inégalité sociale en termes de conflit. L'engagement bénévole découlant de la pratique religieuse peut aller jusqu'à justifier la richesse héritée, comme me l'explique la fondatrice de l'association. Mais d'autre part, c'est cette aisance financière qui m'a permis justement d'aider les autres. Parce que je devrais galérer pour moi, j'aurais pas pu me dégager de mon emploi, j'aurais pas pu faire tout ça. Donc cet argent, qui m'est un peu tombé dessus, comme ça, j'ai eu la chance de naître dans une famille avec des valeurs judéo-chrétiennes derrière. Pour moi, je suis un instrument aux mains de Dieu. Dieu m'a mis sur terre avec mon intelligence, ma capacité de travail, mon argent. Il m'a donné tout ça pour que j'en fasse quelque chose. Voilà. S'il m'a aussi bien nanti, c'était pour que j'en fasse quelque chose. Ces contradictions qui peuvent exister entre appartenance religieuse et possession matérielle se cristallisent particulièrement au sujet de l'éducation des enfants. Cette nécessité d'une ouverture au monde ne doit en effet pas troubler l'enseignement de classe et la socialisation à une position dominante pour les enfants. Cette socialisation repose principalement sur l'entre-soi à la fois résidentiel et scolaire. Marie Chevalier, qui est née en 68, femme au foyer, mariée à un ingénieur commercial avec 3 enfants, m'explique la difficulté à trouver un équilibre entre apprentissage de la charité aux enfants et éducation au code bourgeois. Je la cite. Même si j'ai adoré justement cette mixité sociale qui est très marquée à Nanterre, où par exemple il y avait des Africaines qui habitaient dans des foyers à Sanakotra, qui scolarisaient leurs enfants dans la même école que mes enfants et qui passaient leurs hivers en tongs et en boubou. C'était quand même super que mes enfants puissent voir qu'on mène une vie privilégiée et qu'à côté de chez eux, il y a des gens, c'est pas pareil. Et quand ils voient une famille de 4 enfants dans un appartement qui fait le quart de notre salon, ben voilà. Donc ce côté-là était bien, vraiment bien. Mais en même temps, l'équilibre est difficile à garder entre cette conscience, avoir conscience que ça existe, qu'on est privilégié, qu'on a de la chance, que aider ceux qu'on a moins, c'est important. Mais en même temps, sans renier forcément ce qu'on est, notre milieu. Voilà. C'est difficile à expliquer cette nuance. En avoir conscience, sans forcément, alors ça peut paraître un peu enfant gâté, mais voilà, pour mes enfants, j'ai assez envie qu'ils restent dans leur milieu, qu'ils élèvent leurs enfants un peu comme nous, qu'ils aient les mêmes codes que les gens qui les entourent. Et on peut encore citer une fois Béatrix Levita, qui même dans le cadre religieux qui valorise l'aide au prochain, dit « éduquer une jeune fille, c'est aussi lui apprendre à reconnaître les siens ». L'éducation des enfants est en effet un sujet qui préoccupe beaucoup mes enquêtés, et c'est d'ailleurs en général la raison principale pour laquelle ils évoquent leur religion. C'est notamment le cas des parents qui décident de scolariser leurs enfants dans le privé, et qui justifient ce choix en raison de leurs croyances, même si généralement la raison religieuse n'est pas la raison première. Ou en tout cas, elle est étroitement liée avec celle de la discipline et celle de l'encadrement. Brigitte Costa, qui est née en 60, femme au foyer, mariée à un chef d'entreprise avec 3 enfants, me dit « C'était vraiment le choix premier, c'était la qualité de l'enseignement. Et cet absentéisme-là, c'était terrible au collège. Il se trouve que c'est catholique, on est catholique, oui. Donc voilà, c'est en plus et c'est bien, mais c'est pas la raison première. » Si les catholiques pratiquants forment une partie importante de mon groupe d'enquêtés, ce ne sont pas les seuls qui sont touchés par l'influence de la communauté catholique. En effet, cet enseignement jugé de qualité supérieure attire également les non-croyants qui se tournent vers des écoles confessionnelles où l'enseignement religieux est également perçu comme un enseignement de classe, pour citer notamment cette théorie de Edmond Gobelot dans La barrière et le niveau. Et donc cet enseignement religieux ne peut pas faire de mal, là je cite Isabelle Fabre, qui est née en 68, mère au foyer, mariée à un directeur financier avec 3 enfants. Elle m'explique qu'elle a choisi un collège et un lycée privé pour ses enfants, un collège et un lycée privé catholique, en rentrant de son expatriation, pour l'anglais LV1, pour l'encadrement, et également pour lutter contre l'absentéisme. Je la cite, mais c'était absolument pas pour des raisons religieuses, non. Et ça vous dérange pas non plus? Alors il y a pastoral obligatoire. Bon, ils en raffolent pas, mais je leur dis, ça vous fait de la culture. Et il y a aussi une messe. Il y a messe une fois par semaine, mais c'est pas obligatoire. Je leur ai dit, vous y allez au début de l'année quand même. Vous allez une première fois, vous allez voir, ça vous fera pas de mal. Donc pour ces fractions des classes supérieures non croyantes, issues de classes moyennes possédantes, mais en dynamique d'ascension sociale, appartenant aux gens du privé, peu attachés au service public, pour reprendre la distinction gens du privé, gens du public, faite par De Saint-Gly et Tello. Le choix des établissements est le garant d'une éducation de classe, non mixte, et d'une socialisation au code des dominants. Alors, pour conclure, au sein des fractions aisées des classes supérieures, l'appartenance religieuse se conjugue à la classe pour renforcer la reproduction sociale et entériner la position de dominant. Cette intrication entre les rapports sociaux de classe et l'appartenance religieuse est parfois difficile à déconstruire et à isoler. La religion a un effet fort sur le groupe, et notamment sur leurs pratiques résidentielles et sur les réseaux de sociabilité à l'échelle locale. Mais cette articulation entre classe et religion n'est pas exempte de conflits pour les individus pratiquants, notamment au sujet de leur richesse. Si la nécessité de rester humble est palpable dans les entretiens, cette distance vis-à-vis de leur position privilégiée ne doit pas empêcher la transmission de leur statut à leurs enfants et rendre leur reproduction incertaine. C'est pour assurer la reproduction qu'ils choisissent d'ailleurs des quartiers caractérisés par leur entre-soi, ainsi que des écoles sélectives assurant une non-mixité en leur sein. Je vous remercie.